Rendez-vous et maman, rendez-vous. Rendez-vous ngana mwasi na linga kadio. Toko kutana lobi na musique ya konga yele bolingo. Ole kaka emenanga ole kato kumane. Chérie à position bonbon mwana baluba. Beze alita manako yamba yo. Eme chouchou. Rendez-vous ngana mwasi na linga kadio. Toko kutana lobi na musique ya konga yele bolingo. Ole kaka emenanga ole kato kumane. Chérie à position bonbon mwana baluba. Beze alitama na koyamba yo. Eme chouchou. Oh yeah, oh yeah, oh mama. Mamba eh mama, yeah oh mama. Mwasi nanganga nalinga kamingi oh mama. Chéri nanga ya position oh mama. Chouchou nanga motema oh. Oh yeah, oh yeah, oh mama. Mamba eh mama, yeah oh mama. Mwasi nanganga nalinga kamingi oh mama. Chéri nanga ya position oh mama. Chouchou nanga motema oh. Chérie, n'a pas la position, oh maman. Chouchou, n'a pas mon témoin.